qui se plaignent toute la journée dès le matin. Certains même style les peines, tapent une grève de la faim. C'est humain d'avoir besoin d'exprimer ses idéaux. Et comme on brandit son drapeau, moi j'ai choisi un micro et j'ai pas peur de mes mots. Je suis confiant quand je m'en sers, même si je dois dire que je sais pas trop jusqu'où j'ai le droit de le faire. Sans que ça devienne la big affaire, devrais-je écouter ma mère qui pense que politique et musique ne feront jamais la paix. Dans un monde meilleur, l'art ne les gênerait peut-être pas. À qui la faute si c'est pas le cas, si quand on gueule ils aiment pas. CSA et ses alliés à l'assaut des bacs salos et les ouais, ils aiment ça. Nickel les MC, c'est pas que ça. À croire que Big Brother n'est vraiment pas si loin que ça. Expression libre, c'est ça mec, dans la limite de ce qu'il juge audible. Le fait que ce droit soit écrit quelque part est devenu à peine crédible. Ouais. Qu'est-ce que la lecture de l'article 19 a pu m'évoquer? Que la vision d'ensemble de notre société paraît erronée. On ne semble plus étonné désormais en entendant un raciste rétorquer. En effet, grâce à la liberté d'expression, cet article nous donne le droit de donner une vision. Donc, il a donné son mode de pensée. Mais attention, j'ai compris, réfléchi et mes idées ont grandi. Donc ce texte me protège aussi. J'ai le droit de mettre en doute sa parole, sa vision, de contrer son opinion et de m'approprier la vérité quand je l'ai rencontré. Compter sur l'expérience ou la vie des autres n'est pas une solution. Les conclusions faites en deux secondes, je considère ça comme de la pollution. L'esprit sain est clair, je prends mon droit et je m'en fais un devoir. Citoyenne des mots, loin de moi l'idée de m'imposer, cet article est une source d'idées. Je t'apporte un écrit, décrivant l'écrit, décrit par mon crew qui écrit. Si on n'a pas pris sa propre opinion, on aspire qu'au mépris. Écoute et comprends ce que j'ai dit et construis ton opinion par rapport à ce que l'article 19 t'a appris. Elle est dans l'interprétation de l'artiste. Beaucoup trop se protègent derrière la bannière d'un droit, alors qu'ils ne respectent pas les autres choix. Crois-moi, j'en ai un goût amer quand j'aborde le même thème et que c'est différent dans sa matière. Pour moi, la liberté d'expression, c'est aussi le respect. Ceux qui savent le mieux s'exprimer, ceux qui savent rester pour garder en face de ses, ceux qui savent donner et recevoir, montrer et percevoir. Ceux qui savent le mieux s'exprimer, ceux qui savent rester pour garder en face de ses, ceux qui savent donner et recevoir, montrer et percevoir. Article 19, c'est établir une base commune dans le respect de l'opinion, des positions. En France, les pôles de diffusion, de communication ne donnent pas la chance. Les médias, les gouvernements ne nous font pas confiance. Article 19, une véritable richesse, mais son importance valorisée selon la finesse de son interprète. J'ai le droit, trois mots dans une phrase qui veut dire beaucoup. Édifier ces années passées avec un bon coup, pour moi ça a été vraiment un bon coup. Car quand je résume les années perdues de mon enfance, j'ai droit de prendre ce thème comme défense. J'ai mis trop d'années à comprendre ce que les méplégés me faisaient subir. Croire que la vie voulait me punir. Pleurer, pleurer, il fallait que ça cesse, je devais m'unir. Depuis le rap c'est fini, physiquement, mentalement j'ai grandi. Le droit à la différence et donc l'état d'esprit je brandis. Tu vois bien que chaque jour sur scène c'est dur. Ma main crispée, le problème perdure. Même si à chaque entrée j'essaie de donner le meilleur pour que le groupe puisse monter. C'est bien la déception à chacun de mes passages sur caméra. Et l'émotion même si je sais ce qui me calmera. C'est ma détermination donnée par l'handicap. D'écrire, dire, de réaliser l'ambition dans le rap. En effet dans le rap les rappeurs ont la gestuelle. C'est tout. L'handicap me donne la textuelle. J'ai tout. Article 19 m'a montré qu'il fallait étendre ses ailes. Article 19 m'a poussé à dévoiler une face personnelle. Article 19 m'a poussé à trouver un nouveau thème. Article 19 avec une pointe d'égoïsme dans mon rap. Article 19 m'a aussi donné l'envie de le dire, de me battre. C'est ce qui a dû me donner la pointe d'héroïsme dans mon handicap.